Chapitre 36. Un matin, en arrivant, Fourcy vit entrer dans son bureau son aimable commissaire de police. « Je vous dérange ?»« Pas du tout. »« Je serai désolé. » »« Vous avez du nouveau ?»« Peut-être. » Et comme il ne continua pas, Fourcy eut la discrétion de ne pas insister. Malgré le violent désir qu'il avait de savoir, il portait trop haut le respect de la justice pour oser risquer une interrogation directe. « Est-ce que vous êtes bien occupé en ce moment ?» demanda le commissaire de son ton le plus insinuant. « Je suis libre pour tout le temps que vous voudrez bien me donner. Asseyez-vous donc, je vous prie. »« Eh bien alors, je vous demande de venir avec moi, à Nogent, où monsieur le juge d'instruction doit se rendre de son côté, pour certaines constatations qui exigent votre présence. » Aller à Nogent à cette heure ne faisait pas du tout l'affaire de Fourcy, qui avait du travail et des rendez-vous pour toute la journée. Mais puisque le juge d'instruction avait besoin de lui, il ne pouvait pas refuser. En somme, l'affaire la plus importante pour lui, au moins celle qu'il avait le plus à cœur, c'était la découverte de leur voleur. « Si vous voulez m'accorder quelques minutes, dit-il, je suis à vous et nous partons. » En faisant venir ses chefs de service, il leur donna ses instructions. Il ne serait absent que quelques heures et sûrement il reviendrait. Le trajet fut très gai et le commissaire entretint la conversation d'une façon charmante, mais sans dire un seul mot de l'affaire. Il venait d'arrêter des escrocs qui le faisaient courir depuis 6 mois, et il était tout plein de son succès, qu'il n'avait obtenu qu'à force de persévérance et de ruse. Au reste, il était en ce moment dans une bonne veine. Ils trouvèrent le juge d'instruction qui était arrivé depuis une demi-heure déjà, et qui, en l'absence de Madame Fourcy et de Marcel, sorti pour une promenade matinale dans le bois, s'était installé dans le salon avec son greffier. Fourcy s'excusa de l'avoir fait attendre, mais le juge d'instruction coupa court aux politesses en disant qu'il n'avait pas perdu son temps. Il avait interrogé les domestiques. Cela fut répondu assez sèchement. Au reste, le contraste était frappant entre le juge et le commissaire. Autant l'un était aimable, doux, poli, autant l'autre était raide et rogue, d'une froideur glaciale qui paralysait ceux qu'il daignait regarder. « Maintenant, dit le juge, en s'adressant à Fourcy, je désire avant tout visiter les lieux. Veuillez me précéder. » Ses manières et ce langage ne ressemblaient en rien aux façons du commissaire, mais Fourcy ne laissa paraître aucune surprise. Marchant devant le juge d'instruction et le commissaire, il les conduisit dans la chambre de sa femme et dans la sienne. Comme le juge ne paraissait pas disposé à lui adresser des questions, il se tint sur la réserve et il attendit. N'ayant rien à faire qu'à regarder, une chose le frappa. Le juge d'instruction paraissait examiner avec plus d'attention l'ameublement des deux chambres que le bureau dans lequel le vol avait dû être commis. Il restait devant les tentures en damas de soie bleue et il maniait les étoffes. Il regardait longuement les brocatelles du lit, les bronzes de la cheminée, les coffrets orientaux placés çà et là, et à un certain moment, Fourcy crut qu'il allait ouvrir les étagères pour prendre les curiosités qui les emplissaient et les étudier. « C'est un curieux, un amateur de bric-à-brac, se dit-il tout bas. » Et il pensa qu'il ferait vraiment mieux de s'occuper du vol, c'est-à-dire du bureau et de la porte de communication des deux chambres. Ce n'était ni le lieu ni l'heure de se livrer à la manie de la curiosité. Ce qui le confirma dans cette idée, ce fut une observation, ou plutôt une exclamation de cet homme de glace, qui parlait si peu. « Mais c'est un vrai musée. Il y a là des trésors. »« Qui n'ont pas tenté le voleur, dit Fourcy, si toutefois un voleur est entré dans cette chambre. »« C'est que ce voleur avait mieux à prendre, dit le juge. » Et cette observation fut faite d'un ton sévère qui parut à Fourcy n'être guère en situation. « Maintenant descendons, dit le juge d'instruction. » Dans le vestibule, il s'arrêta et s'adressant à Fourcy, « Donnez des instructions pour qu'on me prévienne quand Madame Fourcy rentrera de sa promenade. J'ai à l'interroger. Mais avant, il importe que nous en ayons fini ensemble. » Cela fut dit d'un ton sec et impératif, par petites phrases hachées, en homme qui est habitué à donner des ordres et à les voir obéir. Derrière eux marchait le commissaire, qui continuait à ne pas ouvrir la bouche. Le greffier était resté dans le salon, installé devant sa table avec ce qu'il fallait pour écrire. « Asseyez-vous, monsieur, » dit le juge d'instruction à Fourcy. Et lui-même se plaça à côté de son greffier, tandis que Fourcy, prenant une chaise, s'asseyait en face d'eux, de l'autre côté de la table, assez surpris que ce fût ce juge qui parlât en maître dans ce salon. Le juge d'instruction avait pris quelques papiers sur la table et il les parcourait rapidement. Dans ce vaste salon, on n'entendait que le bruit des feuillets qui tournaient, et au dehors, le roucoulement de pigeons ramiers perchés dans les arbres du jardin. Ce silence, que rien ne troublait et qui devenait lourd, se prolongea assez longtemps, très longtemps pour Fourcy péniblement impressionné, sans trop savoir pourquoi, vaguement, malgré lui. Enfin, le juge d'instruction releva la tête et, sans parler, il regarda Fourcy longuement, en face. Il l'examina de la tête aux pieds, surtout à la tête, dans les yeux. « Monsieur Fourcy, dit-il, vous avez 56 ans. »« Oui, monsieur. À quel âge êtes-vous entré dans la maison Charlemont ?»« À 15 ans. »« À quels appointements ?»« 100 francs par mois. »« Vous êtes resté longtemps à ce chiffre ?»« 1 an. On m'a mis alors à 150 francs. L'année suivante à 200. La troisième année à 400. » À 23 ans, je gagnais 6 000 francs par an, à 36, 12 000, à 40, 60 000. Et jusqu'en ces derniers temps, tel a été le chiffre de vos appointements, 60 000 francs. Oui, monsieur. De sorte que depuis 16 ans, vous gagnez 60 000 francs par an. Parfaitement. En dehors de ces appointements, avez-vous gagné de l'argent? Je veux dire, avez-vous fait des affaires, des spéculations? Jamais, monsieur. Je devais tout mon temps, tous mes efforts, ce que j'ai d'intelligence, mon expérience à la maison Charlemont, dont je suis le directeur, et j'aurais cru lui dérober quelque chose si j'avais entrepris des spéculations pour mon compte. Cela n'eût point été délicat. Au reste, je dois dire que j'ai été plus que récompensé de cette réserve qui pour moi a été l'accomplissement d'un devoir. Monsieur Amédée Charlemont a bien voulu me donner un intérêt dans sa maison et me faire son associé. C'est le plus beau couronnement de ma vie de travail et de dévouement. C'est plus que je n'avais jamais rêvé. Et j'ose dire que cela me touche beaucoup plus encore dans ma fierté que dans mon intérêt. Le juge d'instruction avait écouté ce petit discours, débité avec feu et d'une voix vibrante, en examinant Fourcy, mais sans qu'aucun mouvement de visage, aucune flamme du regard, manifestât au dehors son impression. Il s'établit un silence. Puis le juge d'instruction reprit ses questions. « Sur ces gros appointements que vous touchez depuis 16 ans, avez-vous fait des économies ?» Fourcy avait déjà été surpris des premières questions qui lui avaient été posées. Celle-là redoubla son étonnement. « Pourquoi diable ce juge d'instruction se mêlait-il de ses affaires ? Était-il là pour causer ou pour s'occuper du vol ?» Jusqu'à présent, il n'avait été question que de lui, Fourcy, et pas du tout du vol du mandat. Quel rapport tout cela avait-il avec le vol des 300 000 francs ? Qu'importait qu'il eût gagné 40 ou 60 000 francs? Qu'importait qu'il eût ou n'eût pas fait des économies? Cependant, il répondit. Très peu. Comment cela? Pouvez-vous me l'expliquer? Parfaitement, mais il me semble que... Expliquez, je vous prie. Malgré ce « je vous prie » qui finissait sa phrase, c'était là un ordre plutôt qu'une invitation. Il n'y avait pas à se méprendre sur l'intonation avec laquelle il avait été donné. Ce ne fut plus seulement de la surprise qui se produisit chez Fourcy, ce fut de la résistance. Ses affaires personnelles ne regardaient en rien ce juge, qui vraiment prenait bien à son aise avec lui. Posé dans une autre forme et sur un autre ton, il eût volontiers répondu à des questions de ce genre, car il n'avait rien à cacher dans sa vie. Mais ses façons le blessaient à la fin, et il n'était pas homme à courber la tête devant qui que ce fût. « Pardon, dit-il, mais tout ceci n'a aucun rapport avec le vol des 300 000 francs. » Le juge le regarda en face. « Vous croyez ? » dit-il d'un ton ironique. « Cela ne regarde que moi. »« Vous vous trompez. Cela regarde aussi la justice qui a le droit de vous adresser toutes les questions qu'elle juge propres à amener la découverte de la vérité. » Fourcy demeura interdit, cherchant à comprendre, ne pensant pas à répondre. Que se passait-il donc? À quoi donc ce juge voulait-il en arriver? Mais alors, dit-il, se parlant à lui-même plutôt qu'au juge, je vous ferai observer qu'au lieu de répondre, vous interrogez. Oui ou non, avez-vous fait des économies sur vos appointements? Je vous ai répondu, très peu. Alors expliquez-moi, si vous le pouvez, comment et à quoi vous avez dépensé ces appointements. Je vous écoute, monsieur. Ils sont rares, les gens qui ne se troublent pas lorsque la justice les interroge, alors même qu'ils sont innocents, surtout quand ils sont innocents. Fourcy fut décontenancé. Est-ce que ce juge d'instruction le soupçonnait? Mais de quoi? Un soupçon eût été une absurdité de la part de ce magistrat, et ce serait folie à lui d'admettre la possibilité d'une pareille idée. Le mieux était donc de répondre au plus vite. Puisqu'il avait commencé à répondre, il devait continuer. C'était encore le meilleur moyen d'en finir, car une discussion avec ce personnage rogue n'aboutirait à rien qu'à traîner les choses et à les envenimer. « Lorsque j'ai acheté cette maison, dit-il, j'avais quelques économies. « Quand l'avez-vous achetée ? « Après la guerre. « Combien ? « 110 000 francs. « Que vous avez payé ? « Comptant. « Avec quoi ? « Pour 80 000 francs avec ces économies dont je vous parle. « Et pour le surplus ? « Avec une somme de 30 000 francs que j'ai empruntée. « Vous avez eu des réparations importantes à faire, des changements, des embellissements. Pouvez-vous me dire à combien s'en est élevé le prix ? À 55 000 francs environ. Ces 55 000 francs, ajoutés aux 30 000 que vous avez empruntés, constituent ainsi une dette de 85 000 francs. Parfaitement. Que devez-vous encore sur ces 85 000 francs ? Rien. Et comment les avez-vous payés ? Avec ce que j'ai pu économiser sur mes appointements. Alors expliquez comment vous avez pu faire ces économies. Et si cela vous est possible sans livre de compte, établissez votre budget. Nous avons la recette, 60 000 francs. Quelle est la dépense? Pour un homme de chiffres, cela ne doit pas être difficile à dire. Cela est très facile, mais à condition de prendre des moyennes. Prenez des moyennes. Mes dépenses de maison s'élèvent à 12 000 francs par an. Écrivez, dit le juge d'instruction à son greffier, qui jusque-là était resté la plume à la main, mais sans prendre les notes. Cette parole fut un coup pour Fourcy. Cependant, il continua. Le loyer de notre appartement de Paris est de 4 000 francs. Les impôts, les frais de jardinage, de domestique à nos gens, sont de 3 000 francs. Je paye pour une assurance sur la vie une prime de 10 000 francs. Les toilettes de ma femme coûtent 2 000 francs par an. Ah bon ? Dit le juge d'instruction qui jusque-là avait écouté attentivement sans interrompre. Elles sont très simples, dit Fourcy, que cette exclamation blessait, car il était d'une susceptibilité extrême pour tout ce qui touchait à sa femme. Continuez, dit le juge d'instruction, nous ne discutons pas. Celle de ma fille coûte la même somme. L'éducation de ma fille coûtait jusqu'à ces derniers temps 3 000 francs. Celle de mon fils et son entretien la même somme. En voyage, nous dépensons environ 2 000 francs. Si monsieur le greffier veut bien faire l'addition, il trouvera environ 45 000 francs. Faites, dit le juge d'instruction. 44 000 francs, dit le greffier. Il vous reste donc en moyenne tous les ans sur vos appointements 16 000 francs. Parfaitement. Ainsi, c'est avec 16 000 francs par an que depuis la guerre, vous avez payé votre dette de 85 000 francs et le mobilier de cette maison que nous n'avons pas compté. Quant à celui de Paris, il était payé avant la guerre. Reste donc celui-ci. C'est-à-dire qu'après avoir prélevé 85 000 francs, vous avez trouvé moyen de payer 50 000 francs un mobilier qui vaut 500 ou 600 000 francs. Fourcy, bien qu'il ne fût pas disposé à la gaieté, ne put pas s'empêcher de sourire en entendant émettre une pareille absurdité. Cependant, ce sourire n'eut rien de railleur ni d'insolent. Ce fut la simple manifestation de sa surprise. Une protestation muette et discrète. 600 000 francs, son mobilier, acheté de briques et de brocs, c'était vraiment trop drôle. « Il n'y a pas là de quoi sourire, » dit le juge d'instruction sévèrement. « Rien n'est plus sérieux. » « Peut-être, en effet, cela serait-il sérieux, si ce mobilier avait la valeur que vous lui attribuez, car alors il serait difficile d'expliquer comment, avec 50 000 francs, j'ai payé 600 000 francs. C'est justement cette explication que je vous demande. Et que je n'ai pas à vous donner, puisque ce pauvre mobilier vaut à peine la dixième partie de ce que vous pensez, c'est-à-dire environ les 50 000 francs qui me sont restés sur mes économies, ma dette de 85 000 francs étant prélevée. Ce fut au tour du juge d'instruction de sourire, et ce sourire qui contractait les narines et retroussait la lèvre supérieure en découvrant les dents, exprimait le dédain et la pitié. Jusque-là, le commissaire aux délégations, assis à côté de Fourcy, avait gardé le plus complet silence, et rien dans son attitude n'avait pu donner à croire qu'il s'intéressait à cet interrogatoire. À ce moment, il se tourna vers Fourcy, et de sa voix la plus douce, avec son sourire le plus aimable, il intervint dans l'entretien. « Je demande à M. Fourcy la permission de lui faire observer que le tapis seul de ce salon sur lequel nous marchons vaut plus de 20 000 francs. » Fourcy haussa doucement les épaules et se mit à rire. Et que cette tapisserie d'Andran, représentant des scènes d'Esther, ne vaut pas moins de 30 000 francs. Que les sirènes de l'escalier ont coûté plus de 10 000 francs. Et nous voilà déjà à 60 000 francs. Mais ces chiffres sont de la fantaisie, s'écria Fourcy. Ils sont exacts. Voyons, ni exacts ni sérieux. Pardon, dit le commissaire avec son calme et son doux sourire, mais vous savez qu'avant d'appartenir à la police, j'ai été clerc de commissaire-priseur et que je suis en état d'estimer un mobilier, même quand il a une valeur artistique comme celui-ci. Et ce que je connais de votre mobilier dans ce salon, dans la salle à manger, dans le vestibule, dans l'escalier, dans les chambres où je suis entré, vaut plus de 500 000 francs. Mais c'est impossible, s'écria Fourcy. « Il y a marchand à ce prix, » dit le commissaire, se servant d'un mot de son ancien métier. Fourcy resta atterré. Mais presque aussitôt, il se redressa pour protester. « C'est impossible, » s'écria-t-il avec une énergie désespérée. « Expliquez, ne niez pas ce qui n'est pas niable, » dit froidement le juge d'instruction. « Ce mobilier est là, nous le voyons. Combien l'avez-vous payé ?»« Mais je ne l'ai pas payé le prix que vous lui attribuez. » Combien l'avez-vous payé? Une 50 000 francs. Dire qu'on a payé 50 000 francs ce qui en vaut 600 000 n'est pas une explication. Mais comment voulez-vous que j'aie dépensé cette somme puisque je ne l'avais pas? Et c'est ce que je vous demande. Vous reconnaissez que vous n'avez pas gagné cette somme. D'autre part, vous avez reconnu que vous n'aviez pas fait de spéculation. Alors dites comment vous vous êtes procuré les 500 000 ou 600 000 francs pris de ce mobilier. « Mais ce mobilier n'a pas coûté 600 000 francs, ni 500 000, ni 400 000. Je le nie, c'est impossible. » Le commissaire se leva et étendant la main par un geste énergique, comme s'il voulait prêter serment. « Et moi j'affirme, dit-il, qu'il a coûté plus de 500 000 francs, je le jure. »« Voulez-vous que nous descendions à 300 000 francs ? Dit le juge d'instruction. « Et même à 200 000 ? Dites alors où vous avez pris ces 200 000 francs. » Depuis quelques instants, Fourcy se débattait désespérément contre l'idée qu'on le soupçonnait. Cette idée, qui tout d'abord lui avait paru une absurdité ou une folie, ce mot « prix » l'enfonça violemment dans son esprit. « Prix ? » s'écria-t-il. « M'accusez-vous donc d'avoir pris cette somme ? Dites où et comment vous vous l'êtes procuré. Moi qui ai des millions entre les mains, j'aurais pris cette misérable somme ? Cette misérable somme et d'autres, moins misérables peut-être. » Fourcy se frappa la tête à deux mains. C'est donc vrai? C'est donc possible? Tout cela n'est que pour arriver à m'accuser du vol du mandat? Moi? Moi? Ni le juge d'instruction, ni le commissaire de police ne répondirent, mais ils échangèrent un coup d'œil plus terrible qu'une réponse directe. Et le moment que j'aurais choisi pour voler la maison Charlemont, poursuivit Fourcy, « est celui où je deviens son associé ?»« Prouvez que vous n'avez pas commencé avant. Nous sommes là pour recevoir vos explications. » La porte du salon s'ouvrit et la femme de chambre, entrant, vint jusqu'à Fourcy. « Madame vient de rentrer avec mademoiselle. »« Ah, ces explications que vous demandez !» s'écria Fourcy. « Je vais vous les donner. » Puis, s'adressant à la femme de chambre qui attendait en regardant autour d'elle d'un air ahuri, « Dites à madame de venir, tout de suite. » Il avait relevé la tête et un éclair de confiance transfigurait son visage bouleversé. Sa femme arrivait à son secours. Elle allait donner les explications qu'on exigeait de lui. Presque aussitôt après le départ de la femme de chambre, la porte du salon se rouvrit et Madame Fourcy parut. Fourcy voulut courir au-devant d'elle, mais vivement le commissaire qui l'observait se plaça entre eux. « Viens, Geneviève, » dit Fourcy, « viens à mon secours. »« Que se passe-t-il donc ? »